il est le chemin. La vérité, la vie, il est le chemin. La vérité, la vie, il est le chemin. La vérité, la vie, il est le chemin. La vérité, la vie, il nous montre la voie qui ouvre les cieux et qui mène tout droit jusqu'auprès de Dieu, jusqu'au cœur de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin. La vérité, la vie, ne crains pas pour demain. Il t'a racheté, ami, tu n'as plus rien à payer, car il a tout payé. La vérité, la vie, il est le chemin. La vérité, la vie, il est le chemin. La vérité, la vie, la vérité, la vérité, la vérité et la vie. La vérité, la vérité et la vie. Il est le chemin, le chemin. La vérité et la vie. Oui, le chemin, la vérité.